Chapitre 3e, une exhortation. Monsieur et Madame Harel et Monsieur Arnott attendaient avec la plus grande impatience le retour de Cécile. Elle aura pris avec douleur le peu de succès de sa tentative. Monsieur Harel n'entendit le récit avec un mécontentement et un chagrin qui ne furent que trop visibles, tandis que Monsieur Arnott, le priant de n'y plus penser, lui offrit de nouveau ses services et l'assura que, sans avoir égard aux inconvénients qui pourraient en résulter pour lui, il sacrifierait tout au plaisir qu'il aurait en l'obligeant de le tranquilliser ainsi que sa sœur. Cécile était, on ne peut pas plus mortifiée de se trouver hors d'état de faire les mêmes offres. Elle demanda à M. Harel s'il ne pourrait pas mieux réussir qu'elle auprès de M. Briggs. « Non, non, répondit-il, ce serait une raison de plus pour le vieux avare de persister dans son refus. Je le connais, et je suis sûr que toute tentative auprès de lui serait vaine. Il nous reste encore une ressource. « Mais je crains qu'elle ne soit pas de votre goût. Je ne vois pourtant pas ce qu'elle aurait de difficile. Après tout, il vaut mieux n'y plus penser. » Cécile le pressa d'expliquer ce qu'il entendait par là, et après avoir un peu hésité, il insinua qu'il savait un moyen sûr et qu'en l'employant, on trouverait à emprunter cette somme. Cécile voulut savoir quel était l'expédient par lequel on parviendrait à se faire prêter cet argent. M. Harel parut avoir quelque peine à lui répondre. Elle insista et voulut absolument qu'il parlât. Alors il indiqua un juif, de la probité duquel il avait des preuves incontestables, et qui, attendu le peu de temps qui devait s'écouler avant sa majorité, se contenterait d'un modique intérêt pour l'argent qu'elle jugerait à propos de lui emprunter. Cécile frémit au seul nom de juif, et l'idée de prendre de l'argent à intérêt. Mais poussée par sa générosité naturelle à imiter celle de M. Arnott, elle consentit, après avoir un peu hésité, à se servir de ce moyen. Son peu d'expérience dans les affaires de cette espèce, ne lui permettant pas de s'en mêler, elle s'en remit entièrement à M. Harel du soin de la terminer, le priant d'emprunter 600 livres aux conditions qui lui paraîtraient le moins onéreuses et promettant de ratifier tout ce qu'il aurait fait. Il parut un peu surpris de la somme. Il se chargea pourtant de la commission sans faire d'objection ni aucune question. Cécile n'en voulut rien rabattre, parce qu'elle était tout aussi empressée de subvenir aux besoins de la pauvre et laborieuse famille Hill que d'assurer la tranquillité du prodige et extravagant Harel. Jamais affaire ne fut plus promptement terminée. M. Harel ne perdit pas un instant. Tout fut arrangé dans la matinée. Cécile remit au juif son billet de la somme avec l'intérêt, au taux qu'il avait exigé, et donna 350 livres à M. Harel, dont il fit sa reconnaissance. Elle garda le reste pour les usages auxquels elle l'avait destiné. Elle se proposait dès le lendemain matin de régler ses comptes avec le libraire. Lorsqu'elle descendit dans la salle à manger pour déjeuner, elle fut un peu surprise d'y trouver M. Harel, s'entretenant sérieusement avec sa femme. Craignant d'interrompre un tête-à-tête si peu ordinaire, elle voulait se retirer. Mais M. Harel la rappela et lui dit « Je vous prie de revenir. Vous ne nous interrompez point. Je faisais part à Prissy d'une aventure assez désagréable, suite du malheur qui s'attache à me poursuivre. Vous saurez que je me trouve avoir un besoin pressant de 200 livres, seulement pour 3 ou 4 jours, et j'ai fait dire à l'honnête Aaron de se rendre tout de suite ici avec cet argent. Il se trouve qu'il est allé en campagne, précisément au moment où il a eu fini avec nous hier, et il ne reviendra pas de toute la semaine. Je ne crois pas qu'il existe un autre juif dans le royaume qui veuille me fournir de l'argent aux mêmes conditions. Ce sont de si vilains usuriers que je frémis de la seule idée d'avoir quelque chose à démêler avec eux. » Cécile, qui comprit parfaitement bien où il voulait en venir, était trop révoltée de sa profusion et de son peu de délicatesse pour avoir la moindre envie de rien changer à la destination de l'argent qu'elle venait de recevoir. Elle se contenta simplement de dire que cela était bien fâcheux. « Oh, il n'y a réellement rien au monde de plus désespérant, » s'écria-t-il, « car l'intérêt exorbitant que je serai obligé de donner à un de ces usuriers sera autant d'argent dépensé en pure perte. » Cécile, continuant à ne faire aucune attention à ces différentes insinuations, se mit à déjeuner. M. Harel dit alors qu'il prendrait le thé avec elle. Un moment après, il s'écria, comme se rappelant tout à coup quelque chose qu'il aurait oublié. « Bon Dieu, à présent que je m'en ressouviens, il me semble que vous pourriez facilement, Miss Beverley, me prêter vous-même cette somme pour un jour ou deux. » Cécile, quoique extrêmement généreuse, n'était cependant pas dupe, et n'aimait pas en s'en laisser imposer. Le procédé de M. Harel lui parut si bas, et sa rue si grossière, qu'au lieu de lui accorder avec sa politesse ordinaire ce qu'il demandait, elle répondit très sérieusement que l'argent qu'elle avait reçu la veille était destiné d'avance, et qu'elle ne pouvait plus en disposer. M. Harel, très piqué de cette réponse qui n'était point telle qu'il se l'était promise, chargea un laquais d'aller chez M. Zacharie pour le prier de venir sur le champ lui parler. « À présent, dit-il d'un ton mêlé de colère et de reproche, la chose est faite. J'avoue que je redoutais de tomber en de pareilles mains, car dès qu'on s'y trouve une fois, il est bien difficile de s'en tirer. Jusqu'à présent, je m'en étais préservé. Mais il faut enfin y venir. La nécessité n'a point de loi. » Cécile commença à être un peu inquiète. Elle fixa Madame Harel, qui paraissait l'être beaucoup. Elle dit au mari, après avoir un peu hésité, « Est-ce réellement la première fois que vous avez recours à lui ?»« Je ne me suis jamais adressé de ma vie qu'au vieux Aaron. Je redoute toute cette race. J'ai une sorte de pressentiment qui tient de la superstition et que je ne saurais vaincre, qui me porte à croire que si je me trouve une fois entre leurs griffes, il ne me sera plus possible de m'en affranchir. Et c'est ce qui m'a engagé à recourir à vous, quoique dans le fond cela soit assez indifférent. » Cécile était très embarrassée. Elle se trouvait d'un côté entraînée par son penchant naturel à faire du bien et retenue par l'autre par la crainte d'encourager le mal. Mais son amitié pour Madame Harel la décida. Elle aima mieux retarder ses propres affaires que de le voir recourir à des moyens ruineux. Il la remercia assez froidement suivant sa coutume et recevant les 200 livres, il en fit son reçu, promettant de les lui rendre au bout de 8 jours. Madame Harel se montra plus reconnaissante et lui témoigna par ses caresses combien elle était touchée de ce nouveau service. Cécile, satisfaite d'imaginer qu'elle avait fait renaître en elle quelque étincelle de sa première sensibilité, résolut de se prévaloir de ses symptômes favorables et de commencer à s'acquitter de la tâche désagréable qu'elle s'était imposée en lui représentant le danger de sa situation actuelle. Elle ouvrit la conversation par lui dire qu'elle espérait que l'intimité dans laquelle elles avaient si longtemps vécu lui ferait excuser la liberté dont elle se proposait d'user. Il n'y avait que leur étroite amitié, jointe aux craintes qu'elle avait que son bonheur et sa tranquillité ne fussent troublés par la suite, qui pût l'autoriser. « Mais ma chère Prissy, ajouta-t-elle, se pourrait-il que, voyant de mes propres yeux le péril auquel vous êtes exposée, je m'en casse à vous en avertir ? Une pareille négligence de la part d'une amie serait une trahison, qu'on ne passerait pas à une personne même indifférente. » Ensuite, elle en vint à l'objet principal, avec tout le ménagement possible, et la conjura de ne pas tarder plus longtemps à diminuer sa dépense et à changer la vie dissipée qu'elle menait, de se conduire plus conformément à sa situation, de s'occuper davantage de l'intérieur de sa maison. Madame Harel l'assura de la meilleure foi du monde qu'elle ne faisait absolument que ce que toutes les autres femmes faisaient, qu'elle se mettait comme tout le monde et qu'il lui serait impossible de se montrer autrement en public. « Et comment vous y montrerez-vous par la suite ? » s'écria Cécile. « Si vous continuez à dépenser au-delà de vos revenus, réfléchissez qu'avec le temps, vos dépenses absorberont entièrement votre fortune. » « Je vous assure, répliqua Madame Harel, que je n'anticipe jamais que de 6 mois sur mes revenus, car dès que je touche l'argent de ma pension, je le donne jusqu'au dernier sou pour acquitter ce que je dois, et j'emprunte de nouveau ce dont j'ai besoin jusqu'à la fin du semestre. Je paye de même et ainsi de suite. » « Voilà, répondit Cécile, une méthode qui paraît n'avoir été inventée que pour vous tenir toujours dans un état de détresse. Pardonnez-moi si je vous parle librement. Je crains que M. Harel n'ait encore moins d'exactitude et d'attention que vous dans ses affaires, sans quoi il ne serait pas si souvent dans l'embarras. Quel en sera le résultat ? Daignez, ma chère Prissy, lire un peu dans l'avenir, et vous tremblerez en réfléchissant à la perspective qui se présente devant vous. » Madame Harel parut effrayée de cette réflexion et la pria de lui dire ce qu'elle voulait qu'elle fît. Alors Cécile lui proposa avec autant de prudence que de douceur un plan général de réforme pour l'intérieur de sa maison, ainsi que pour les dépenses de nécessité et de luxe tant d'elle que de son mari. Elle lui conseilla d'examiner scrupuleusement l'état de leurs affaires, de se faire remettre les comptes de tout ce qui était dû, pour les acquitter fidèlement, et adopter ensuite un genre de vie proportionné à l'état de leur fortune et aux revenus qui leur resteraient après avoir payé tout ce qu'ils devaient. « Mon Dieu, ma chère, s'écria Madame Harel d'un air surpris. « Monsieur Harel ne se prêterait jamais à une réforme qui nous rendrait ridicule. »« Je conviens, » ajouta-t-elle d'un ton d'ennui, « que votre plan est excellent. Ce qu'il y a de fâcheux, c'est que l'exécution en est tout à fait impraticable. »« Pour quelle raison serait-elle impraticable ?»« Mais parce que... »« Ma chère, je ne sais pas. »« Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle l'est. »« Mais quelle preuve en avez-vous ? Qu'est-ce qui vous le persuade ?»« Il faut bien vivre comme les autres, » dit Madame Harel impatientée. « Vous ne voudriez pas, je pense, qu'on me montre au doigt, et je vous assure que je ne fais rien que les personnes de mon état ne fassent aussi. »« Ne vaudrait-il pas beaucoup mieux, » repartit Cécile avec encore plus d'énergie, « s'occuper moins des autres et plus de vous-même, consulter votre fortune et votre situation, au lieu de vous laisser aveuglément entraîner par leur exemple. si les autres voulaient se rendre responsables de vos pertes, de la diminution de votre fortune et du désordre de vos affaires, alors vous auriez quelque raison de régler votre façon de vivre d'après la leur. Mais vous n'avez pas lieu de vous flatter que cela arrive. Vous savez trop bien le contraire. Plaint peut-être d'un petit nombre, blâmé généralement de tous, vous ne serez secouru de personne. « Grand Dieu, Miss Beverley !» s'écrie Madame Harel, épouvantée. « Vous parlez précisément comme si nous étions ruinés. »« Je ne crois pas que vous le soyez encore, » répliqua Cécile. « Mais je voudrais, en vous montrant le risque que vous courez, vous engager, avant qu'il soit trop tard, à prévenir cette affreuse catastrophe. » Madame Harel, plus offensée qu'alarmée, entendit cette réponse avec peine, et après avoir hésité un moment, elle dit avec humeur « J'avoue que je ne suis pas trop satisfaite que vous me teniez des discours aussi peu consolants. Je suis sûre que nous vivons comme tout le monde. Je ne conçois pas pourquoi un particulier, dont la fortune est telle que celle de M. Harel, vivrait différemment. Quant aux petites dettes qu'il contracte de temps en temps, il a celle de commun avec tant d'autres. Cela ne vous paraît si singulier que parce que vous n'y êtes pas accoutumé. Vous êtes dans l'erreur si vous supposez qu'il n'ait pas l'intention de les payer. Il m'a assuré ce matin qu'aussitôt qu'il toucherait ses rentes, il se proposait d'acquitter exactement tout ce qu'il pouvait devoir. « Je suis enchanté de ce que vous me dites, » répondit Cécile, « et je souhaite qu'il exécute ce projet. Je craignais d'avoir poussé la franchise jusqu'à l'indiscrétion. Mais vous me feriez tort aussi en me croyant le cœur dur. L'amitié et le désir de votre tranquillité sont les seuls motifs qui m'ont porté à hasarder les observations que je vous fais. » Elles se séparèrent. Madame Harel, presque fâchée de ces leçons qui lui parurent trop sévères, et Cécile, aussi rebutée de la manière dont elles étaient reçues, qu'affligée de l'aveuglement de son amie. Elle fut dédommagée de ce pénible moment par l'arrivée de Madame Delville, dont la conversation vive, spirituelle et amicale dissipa bientôt son chagrin. Elle eut encore un nouveau plaisir, quoique mêlé de quelque inquiétude, en apprenant par M. Arnott que M. Belfield était presque rétabli et qu'il venait de partir pour la campagne. Elle soupçonna presque que tout ce que le jeune Delville lui avait dit de sa situation n'avait été que pour l'éprouver et savoir sa façon de penser à son égard. Elle eut encore une visite de M. Monckton, qui, quoique bien instruit qu'elle passait la plus grande partie de son temps dans son appartement, avait cependant assez de prudence, ou, si l'on veut, de politique, pour user rarement de la permission de la voir chez elle. Cécile lui parla, avec sa confiance ordinaire, de toutes ses affaires, et comme son esprit était principalement occupé de ses craintes relativement à la famille Harel, elle lui apprit leurs extravagances et leurs prodigalités. Cependant, sa délicatesse l'empêcha de lui parler de ce qu'elle venait de faire en leur faveur. M. Monckton, d'après ce qu'elle lui disait, n'hésita pas un instant à décider que M. Harel était un homme ruiné, et craignant que Cécile, attendue ses liaisons avec lui, ne courût risque de se trouver mêlée dans les embarras qui lui surviendraient par la suite, il l'exhorta très sérieusement à ne point se laisser gagner par ses sollicitations et à se garder de lui rien prêter, l'assurant très positivement qu'il y avait peu d'apparence qu'il fût jamais en état de le lui rendre. Cécile, fort alarmée d'un pareil avertissement, lui promit la plus grande circonspection pour l'avenir. Elle lui parla de la conversation qu'elle avait eue le matin avec Madame Harel, et après s'être affligée de son incurie, elle ajouta « Je ne saurais m'empêcher de vous avouer que l'estime que j'avais pour elle a, depuis que nous logeons ensemble, perdu chaque jour de sa vivacité, et qu'elle est encore moindre que mon amitié. Ce matin, lorsque je me suis hasardé à lui dire sérieusement ma façon de penser, j'ai trouvé ses raisons si mauvaises, le goût de la futilité et du luxe porté si loin chez elle, que j'en étais alarmé. » Il parlait ensuite de Belfield. M. Monckton confirma le rapport de M. Arnott et lui apprit qu'il avait quitté Londres en bonne santé. Après quoi, il lui demanda si elle avait vu quelqu'un de la maison de Delville. « Oui, » répondit Cécile. « Madame Delville m'est venue voir ce matin. C'est une femme charmante. Je suis fâché qu'elle ne vous soit pas mieux connue. Vous ne pourriez vous empêcher de lui rendre justice. Est-elle polie avec vous ? Polie ? On ne saurait avoir plus de bonté. En ce cas, comptez qu'elle a quelque vue secrète. S'il en était autrement, elle serait très insolente. Et, monsieur Delville, je vous prie, qu'en pensez-vous ? Oh, il me paraît insupportable. Je ne saurais assez vous remercier de m'avoir prévenu assez à temps pour que je ne changeasse pas d'habitation. Je ne voudrais pas pour rien au monde vivre sous le même toit que lui. » « Fort bien. Et le fils ne vous paraît-il pas digne de tels parents ?»« Non, certainement. Il n'a pas la moindre ressemblance avec son père. Et s'il a quelque chose de sa mère, c'est seulement les qualités que tous ceux qui la voient sans prévention devraient désirer de posséder. » Vous ne connaissez pas cette famille. Ils ont tous des vues sur votre personne. Et si vous ne vous tenez pas sur vos gardes, vous serez sûrement leur dupe. Je ne saurais concevoir ce que voulait me faire entendre. Rien que ce dont tout le monde s'aperçoit à la première vue. Ils ont beaucoup d'orgueil et peu de bien. On dirait que la fortune vous a placé exprès dans leur chemin, et sûrement ils sauront bien se prévaloir d'une conjoncture aussi favorable pour accommoder leurs affaires et se débarrasser de leurs créanciers. Je vous assure que vous vous trompez. Je suis convaincu qu'ils n'ont point cette intention. Tout au contraire, ils m'impatientent par leur opiniâtreté à se figurer que je suis déjà engagé. Elle l'instruisit alors des soupçons qu'il lui avait fait paraître. Le bruit ridicule et absurde qu'on a répandu, ajouta-t-elle, les a si bien persuadés que le chevalier Floyer et M. Belfield étaient rivaux, et qu'ils s'étaient battus à mon occasion, que lorsque je parviens à les dissuader de mon penchant pour l'un des deux, ils ont conclu tout de suite que j'en ai pour l'autre. Loin de trouver mauvais que je paraisse avoir disposé de ma personne, M. Delville favorise ouvertement les prétentions du chevalier, et son fils cherche à me persuader officieusement que je suis déjà tout entière à Belfield. Finesse toute pure pour découvrir votre véritable façon de penser. Il lui donna encore plusieurs conseils pour la préserver de leurs artifices. Et changeant tout à coup de sujet, il ne lui parla plus, pendant le temps qu'il resta encore avec elle, que de choses agréables et propres à l'amuser.